Bonjour, c'est Laurent Boyer. Merci d'être à l'écoute. Et si vous avez pris la peine de mettre ce CD sur votre lecteur, c'est qu'a priori, Europe 1, ça vous intéresse. Ça tombe bien parce qu'on est là pour ça. Eh bien, vous avez raison. Cette année, il y a beaucoup de nouveautés sur Europe 1. Et il y a du monde. Alors, c'est la rentrée des classes. On va vous présenter d'abord les petits nouveaux. On va commencer par Laurent Ruquier, c'est évidemment. Mon portable qui sonne parce qu'on est en train de m'appeler. C'est France Inter qui me dit « Mais qu'est-ce que vous foutez sur Europe 1 ?» Qu'est-ce que je fais sur Europe 1? Je m'amuse, voilà. Et j'essaye d'amuser les auditeurs. Le matin, tout d'abord, à 9h moins le quart, en essayant de faire une petite revue d'actualité à ma sauce et de réagir au plus vite sur l'info du moment. Et c'est vrai que c'est agréable le matin parce qu'on a l'impression d'être les premiers à découvrir l'information. Et alors en plus, quand on peut le faire avec humour, j'essaie d'y arriver chaque matin, avec Julie. Avec Julie. Donc ça, c'est le lève-tôt du matin à 8h45, la revue de presse décalée. Alors attends, ça ne te suffisait pas le matin de nous faire marrer avec la revue de presse. Tu as décidé de revenir l'après-midi avec tes petits camarades. Alors là, c'est un peu plus un jeu d'équipe. C'est-à-dire que j'ai envie de m'amuser, mais m'amuser vraiment en même temps que les auditeurs. Le matin, j'amuse les auditeurs et l'après-midi, c'est moi qui suis public en même temps que ceux qui écoutent, public des invités présents. L'équipe, disons que j'ai ramené d'ailleurs, hein, on peut le dire. 16h30, 18h. Hein. Oui. Une heure et demie. Avec les bravos, Le Bolloc, Sarraute, Jean-François Dérec, Jean-Marie Bigard, une nouvelle recrue. Voilà, on a décidé de faire les cons. C'est le cirque Ruquier ? Presque. Hein ? Ouais. Et c'est interactif. On et puis on m'a dit surtout sois drôle parce qu'après il y a Guillaume Durand. Alors, alors là. Moi je ne dis rien. Vous remarquez, je suis impassible, je suis telle la banquise, le calme. Alors Guillaume, qu'est-ce que tu fais sur cette antenne, sur l'antenne d'Europe 1 ? D'abord, j'y reviens. Ce qui est déjà un grand plaisir parce que j'y étais, j'y suis né. C'est ta maison. Exactement. Parce qu'en fait, je n'avais qu'une seule envie, c'est de revenir ici. Pourquoi ? C'est une espèce de sentimentalisme un peu ridicule dans le monde des médias où tout le monde se déteste. Et moi, je me sens d'ici et pas d'ailleurs. Deuxièmement, je suis là après Laurent pour recevoir les gens qui font l'actualité, mais toute l'actualité, à savoir aussi bien les ministres que les écrivains, les philosophes, les gens qui viennent de nulle part ou qui y retournent, comme moi de temps en temps. Et ça me fait très plaisir parce que ça a un côté confortable, parce qu'on a du temps, on n'est pas agité. Et puis moi, je suis très lié à cette espèce de voix, pas la mienne, mais la tienne, celle de Laurent ou celle de Yves, que j'entends quelque part, qui n'est pas de la télé, qui laisse la place à l'imaginaire. C'est quand même lié à l'actualité. Je veux dire, tes gens, tu les prends pas uniquement dans l'air du temps. Mais j'ai l'impression que Europe 1, c'est lié à ça. Laurent, c'est lié à ça. Lui aussi, il se marre, mais c'est tout. Tout l'actu. Oui. Ouais, t'es dans l'air du temps, oui. Oui, il n'y a pas de conversation. Enfin, je veux dire, il y a deux solutions dans la vie. Soit on fait dans le génie, comme Saint John Perse, et à ce moment-là, l'actualité, on s'en fout. Soit on fait pas dans le génie, ce qui est le cas de Laurent Ruquier, Dick Calvi et Guillaume Durand. Donc on tâche de s'intéresser à ce qui intéresse les autres. Autrement, on la ferme. Isabelle Pelletier. Isabelle, c'est de quelle heure à quelle heure du lundi au vendredi sur Europe 1? C'est de 10h45, autrement dit 11h moins le quart, jusqu'à midi. D'accord. Qu'est-ce qui s'y passe? Ça vous laisse sans voix, j'ai l'impression. Non, j'attends que tu me donnes la suite, en fait, que tu me racontes un peu ce qui s'y passe. Est-ce que les filles peuvent parler parfois entre elles, à notre dépens d'ailleurs? Est-ce que les hommes aussi peuvent intervenir? Tu laisses la place. On va se gêner, on va se gêner. C'est moi, on va se gêner, c'est mon titre. Qu'est-ce que je fais? Je m'active, évidemment, c'est-à-dire j'écoute, je dialogue avec des auditeurs et des auditrices, c'est important, sur des thèmes complètement différents, qui sont par exemple l'amour, la justice, le pouvoir, l'amour, pas mal l'amour quand même, c'est important, et pourquoi pas le sexe aussi. Je peux en glisser une? Ah, tu peux en placer une, Calvi, vas-y. En fait, si je comprends bien, oui. Ils ont besoin de se rassurer. C'est-à-dire que beaucoup d'appels, c'est est-ce que les gens sont comme moi? Est-ce que vous êtes pareil que moi? Voilà ce qui m'arrive. Est-ce que je suis le seul? Voilà. Est-ce que je suis le seul à, par exemple, être radin? Parce que, hein, on va éviter un peu le débat, on ne va pas le cantonner. Non, bien sûr. Est-ce que je suis le seul à être un affreux radin? Est-ce que je suis la seule femme dont le mari ne pense jamais à l'anniversaire? Est-ce que c'est normal, après un attentat, d'être traumatisé, de ne pas oser rentrer dans un métro? Est-ce que c'est normal d'être injusticiable auquel la justice donne jamais raison? Voilà. Eh bien, disons-leur d'un seul coup en groupe, non. Non. Et enfin, mon vieux copain, le professeur Tournesol. Vous l'avez tous reconnu, bien sûr, c'est Yves Calvi. Bienvenue, Yves. On disait triplette tout à l'heure. C'est vrai que c'est ta troisième année comme sur l'antenne. Oui, absolument. Hein, oui. Avec, toujours la même curiosité, quoi. Voilà, on va pas changer grand-chose, c'est-à-dire qu'il y a même des thèmes qui peuvent revenir. Je vais te donner une imbécilité, je viens de vu passer la semaine dernière une dépêche, il y a des fourmis. J'ai déjà parlé des fourmis dans cette émission, mais j'ai vu une dépêche venant des États-Unis où apparemment une fourmi latino-américaine est en train de tout bouffer sur son passage. Alors moi, évidemment, c'est le genre de choses qui m'amusent vite, donc on est en train de chercher les spécialistes des fourmis en ce moment. On essaie de pas faire tout le temps les mêmes. Moi, j'ai entendu une super émission sur les éléphants l'autre jour. Ah oui, c'est mignon. Ouais. Bah voilà, sur dit, café. Tiens, ça fait longtemps. Oui. Oui, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé des éléphants. Je me suis dit, c'est gros, c'est rond, on aime bien ça. Il y a une longue trompe, parlons d'eux. Dis-moi, est-ce qu'on aura aussi l'avenir, comme tous les lundis Le lundi, on va continuer à essayer de vous expliquer, parce qu'il faut un peu de culot pour faire ça, comment vous vivrez, comment nous vivrons dans une trentaine d'années. Alors, on a démarré avec la feuille d'impôt, parce que ça nous fait rire. Et on est en train de gratter sur d'autres choses. Ça peut être aussi comment notre cerveau peut-il évoluer dans une trentaine d'années. Qu'est-ce qu'on va faire à notre cœur en matière de santé? On retire des morceaux, on nous en met en plastique, on se branche sur quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, on va continuer à maintenir ce plaisir jusqu'au 31 décembre 1999. Des thèmes récurrents le lundi et du mardi au vendredi, donc la curiosité du monde qui bouge. Oui, alors ça peut être aussi, s'il y a beaucoup de violence en banlieue, il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas. Quand il y a un procès sur l'excision, il n'y a pas de raison là non plus qu'on n'essaye pas d'en parler. Donc on va dire que les sujets de société, s'ils n'ont pas été exploités chez Ruquier le matin et l'après-midi ou chez Guillaume le soir, voire chez Isabelle parfois, ça peut être aussi notre pain béni, volontiers. Ouais. Ben bravo, moi je trouve que c'est une belle grille, c'est une belle rentrée. Bon, vous ne demandez pas ce que je fais, les mecs. Tu poserais pas des questions à des vedettes? T'as raison. Mais attends, je fais mieux et plus pour ceux qui écoutent la radio active. Eh ben imagine, on va se déplacer, on va suivre 24 heures la vie d'un artiste de cinéma, de chanson. On va partir avec lui, on va aller chercher le matin. Avec le nagra derrière. Et on va prendre les dents, le pipi, les lectures. Le petit déjeuner. Quand il écoute Isabelle Pelletier en disant moi aussi, alors c'est comme ça. Et on va passer la journée comme ça avec quelqu'un pendant 24 heures. Certains, on les rencontre la nuit. La nuit, on peut en faire plusieurs d'un coup. Et voilà, et ça va passer sur 2 heures, le samedi entre 14 et 16 heures. Le samedi entre 14 et 16 heures. Je vais écouter. C'est sympathique, non? Du son, du bruit, quoi, de la radio. Ouais, donc on va entendre des choses différentes. Et celui qui vient d'arriver avec quelques bonnes bouteilles, une andouille de vire, c'est évidemment Jean-Luc Petit-Renaud. Ah, on est le samedi justement, 11h, 12h, on se prépare. Peut-être que le dimanche, on va recevoir les amis, les copains, la famille. C'est une émission, j'espère, mais qui va vous démanger, vous savez, pour les papilles. C'est-à-dire que je vais vraiment installer le set de table, regardez, juste sous le micro. La fourchette est à gauche, le couteau est à droite. Les invités qui seront là seront des chefs, seront des artisans, seront des cueilleurs, seront des vignerons. Et puis, ils viendront un petit peu raconter la belle vie. Et moi, je vous raconterai aussi, à ma manière, quelques adresses que j'aurai croisées dans la semaine, où je serai allé. Alors, il y aura des cassoulets, il y aura des choses. Vous savez, rien ne vaut cette cuisine qui bloute très légèrement. Ça, ne pas oublier cette cuisine-là, parce que c'est la cuisine qui est retenue. C'est pas la cuisine vive, c'est pas la cuisine qui dépanne. C'est pas on ouvre son frigo et puis on bouffe comme ça parce qu'on n'a pas le temps. Non, la cuisine où on prend le temps de s'installer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, à moi la radio, à moi la table. C'est tout. Ce sera ça. Et alors, je vois les yeux d'Yves Calvi derrière les billes qui tournent dans les orbites. Tu peux nous refaire le bruit de la cuisine qui bloute, bloute, parce que je ne sais pas faire. Moi. Non, mais ça, c'est quand on soulève le couvercle. Alors attention, toujours à feu doux, doit faire bloup, et jamais blablabla. C'est-à-dire que c'est une histoire d'oreille, ça, tout ça. Ah, non, c'est vrai. Jean-Luc Petit-Renaud, c'est tous les vendredis, samedi, dimanche à 8h40, et évidemment de 11h à 12h, prépare à la table, on s'installe à la table. C'est ça, Jean-Luc? Ah, mais bien sûr. La serviette autour du cou, le laguiole dans la main droite, la fourchette dans la main gauche, et on y va! Eh, bienvenue, bon appétit. Bon, je crois que maintenant vous savez beaucoup de choses en fait sur la nouvelle grille d'Europe 1. Vous avez vécu un petit moment avec tous ceux qui la font. Mais quand même, un petit conseil. Oui, à vous qui écoutez. Si vous aimez Rio, la samba, le carnaval, alors écoutez attentivement Europe 1 et téléphonez au 08 36 68 0 3 2 1. 08 36 68 0 3 2 1. Après quelques petites questions, vous aurez peut-être la chance de gagner, tenez-vous bien, un voyage pour deux en Concorde pour participer au carnaval de Rio. Ça vaut pas le coup, ça? Eh oui, on finit toujours bien en Europe 1. Alors bonne chance et à très bientôt. Où? Vous avez deviné, sur Europe 1.